Les présidents algériens, ougandais, éthiopiens et érythréens ont fait parvenir les messages de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Les dessinateurs ont félicité chaleureusement le maréchal Kim Jong-un, le peuple et le gouvernement coréen à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée. Ils lui ont souhaité santé et succès dans son travail, ainsi que prospérité et paix au peuple coréen.